Le journal internet sud-coréen Tongil News annonce que l'action de Daesun pour la paix dans la péninsule coréenne contre Saad s'est résolue le 6 dans une conférence de presse devant le siège du parti pour la Corée libre pour la ville de Daesun, de repousser à tout prix la disposition de Saad en cours forcé et illégal.